Chapitre 36e, l'ouverture des assises. Une fois encore, dans cet avant-dernier chapitre de notre histoire, nous ramenons nos lecteurs au samedi où s'ouvre la cour d'assises. De nouveau, la procession du grand shérif va à la rencontre des juges. Jamais les cloches de la cathédrale n'ont tinté si joyeusement. Jamais les rues et les fenêtres n'ont été remplies de tant de monde. Une fanfare brillante fait retentir un air martial lorsque la cavalcade passe dans la grande rue. Les hommes d'armes, deux à deux, dans la livrée sombre des Ashley, s'avancent, la pointe de leur lance brille au soleil. Ils ont peine à se frayer un chemin au milieu de la foule. Qu'importe aux nombreux assistants les trompettes, les lanciers, tout ce spectacle qui charmait autrefois. Ils ne cherchent à distinguer que le brillant équipage qui s'avance le dernier. Ce ne sont ni les quatre chevaux fringants, ni les harnais d'argent, ni le cocher, ni les laquais en grand costume, ni même les juges qu'ils veulent voir, c'est le propriétaire de la voiture, le grand shérif Thomas Ashley. Il y est assis en habit civil. En face de lui sont les juges en robe écarlate et en perruque flottante. À côté de lui, la robe de soie noire de son chapelain, le pasteur de Déopham. Une foule de cavaliers suivent, foule que Elstonleigh avait rarement vue. William en faisait partie. La popularité d'un shérif peut s'évoluer d'après la longueur de son escorte lorsqu'il va à la rencontre des juges, et ce jour-là, la moitié de Elstonleigh était montée à cheval pour faire honneur à Thomas Ashley. Sur une partie saillante de la rue étaient les ouvriers de la manufacture, propres et bien rasés. Ils avaient emporté en cachette leurs habits du dimanche à la fabrique, et au premier son des cloches, ils s'étaient lancés au dehors tout habillés, laissant la manufacture dans toute sa gloire, et Samuel Lynn tout seul pour en prendre soin. Les hurrahs qu'ils poussent quand la voiture approche ébranlent la rue tout entière. Ce n'était pas leur habitude d'acclamer ainsi le grand shérif, mais qui peut leur en vouloir? Ce n'est certes pas M. Ashley. Leurs seigneuries ont l'air étonnées. En l'un, vous reconnaissez Sir William Carlyle, l'autre le juge Gordon. Les juges regardent, se demandant ce que signifient ces acclamations. Ils aperçoivent un grand nombre d'hommes respectables, la tête nue, qui accueillent la voiture de toute la force de leurs poumons. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écrie Sir William. « Je crois que c'est en mon honneur, » répond M. Ashley, aussi surpris que les juges eux-mêmes. « Vos seigneuries sauront que ce sont les ouvriers de ma manufacture. » Mais ses yeux étaient humides lorsqu'il se pencha hors de l'équipage pour les remercier. Une acclamation plus bruyante que toutes les autres répondit à son salut. Les juges, accoutumés au tumulte, n'avaient jamais entendu de bravo plus profond et plus senti. « Il y a beaucoup de chaleur dans ces hurrahs, » dit Sir William. « Ils font plaisir à entendre. Ils ne partent pas du bout des lèvres. » Le dîner des juges ce soir-là devait avoir lieu au palais de l'évêque. Aucun convive n'y était plus honoré que le grand shérif. Son chapelain était avec lui. William et Frank faisaient aussi partie de la société. Que devaient penser les Dares des Halliburton? Les Dares, en ce moment-là, étaient trop occupés de leur projet pour s'inquiéter des Halliburton. Ils projetaient d'aller en Australie. Leur fille Julia avait offert un asile à son père et à sa mère. Ses sœurs, écrivait-elle, trouveraient à Sydney de bonnes places comme institutrices et peut-être finiraient par s'y marier. Ils avaient hâte de partir, de quitter ce mortifiant Elstonleigh, de tenter fortune dans un nouveau monde. Le voyage était la plus grande difficulté. Julia n'avait pas envoyé d'argent. Peut-être ne savait-elle pas à quel point ils en étaient arrivés. De quelle manière paieraient-ils leur passage, même sur l'entrepont? M. Ashley avait l'intime conviction qu'il serait obligé de leur en faire la gracieuseté. Jamais homme plus aimable, plus compatissant que Thomas Ashley. Les cloches du dimanche matin sonnaient joyeusement. C'était une belle journée de mars. Les fenêtres de la cathédrale reflétaient leurs vitraux mille couleurs sur une foule telle que l'église en avait rarement contenu de pareil. Même en ces dimanches d'assises. La procession s'étendait tout le long de la cathédrale, traversant le chœur et la nef. Les valets d'armes du grand shérif, appuyés sur leurs lances, avaient grand-peine à contenir les assistants. L'évêque en grand costume, le clergé en robes écarlates, les collégiens en surplis blancs arrivaient successivement. Ce n'était pas sur le maire et sa corporation, ni sur les juges en perruque grise, que se fixait l'attention de la foule, et sur celui qui marchait calme et digne à leur suite, Thomas Ashley. Derrière lui venait son chapelain dont la robe noire contrastait avec l'écarlate et les dorures de son entourage. L'orgue envoyait au ciel ses accords grandioses lorsque la procession passa à la grande porte, Les cloches, qui avaient gaiement carillonné, s'arrêtèrent. Les personnes importantes avaient peine à trouver place. Beaucoup restaient debout. L'évêque était monté sur son siège. En face de lui, dans la salle de l'archidiacre, à la place destinée aux prédicateurs du dimanche des cours d'assises, était assis le chapelain de Deofam. Sir William Carlyle fut conduit dans la salle du doyen. William et Frank, le beau Frank, avaient trouvé une place parmi les nombreux avocats, et dans le banc des dames était assise la femme du doyen, Madame Ashley, sa fille et Madame Halliburton. M. Morton entonna le beau cantique « Voici, Dieu est mon salut ». Jamais chant n'avait été si bien exécuté. Le doyen et M. Morton eurent ensuite les commandements et enfin la liturgie. Comme il revenait s'asseoir, un huissier, sa masse d'argent à la main, précéda le chapelain du shérif qu'elle est montée en chaire. Avec quelle attention les collégiens le regardaient. Si peu d'années auparavant, il était encore au milieu d'eux. Quelques-uns des plus anciens se souvenaient de l'avoir eu pour camarade. C'était aujourd'hui le révérend Edgar Halliburton. Trop jeune pour faire un bon sermon, pensait la moitié de la congrégation. Cependant, sa contenance, son air calme et profond plaisait à tous. Il prit pour texte ce passage de l'Ecclésiaste. « Quoi que ce soit que tu aies à faire, fais-le de tout ton cœur, car il n'y a ni ouvrage, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. » Puis il se pencha vers la foule et commença son sermon. Je n'entreprendrai pas de vous récapituler cet admirable discours pratique. Si nous nous rappelons l'éducation qu'avaient reçue les Halliburton, nous verrons qu'il était impossible que le discours de gare ne s'en ressentît pas. Il dit aux juges quels étaient leurs devoirs avec autant de fermeté qu'il le dit aux collégiens et à tous ses auditeurs. Il dit que le secret d'or de la réussite et du bonheur en cette vie consiste à accomplir fidèlement les devoirs qui se rencontraient sur notre sentier, à lutter sans relâche, quels que fussent ses devoirs, et surtout avoir confiance en Dieu. Ce fut un sermon simple et clair, prononcé d'un ton calme et persuasif, et que toute l'assistance écouta palpitante d'intérêt jusqu'à ces collégiens si difficiles à fixer et qui ne perdaient pas de vue le jeune pasteur. Les larmes de Jane coulaient abondamment sous son voile blanc, comme ce jour ou bien des années auparavant, elle avait dû laisser tomber son voile de crêpe noire pour les cacher dans le bureau du vieil Anthony Dare. Le sermon dura une demi-heure. L'évêque donna la bénédiction et la foule se dispersa. Comme le prédicateur précédé de l'huissier à masse d'argent traverse le chœur pour reprendre sa place dans la procession, M. Morton le rencontra et lui serra la main. « C'est bien, gars, » dit-il tout bas. « Je suis fier de vous. Votre sermon a dû frapper droit au but quelques-uns de ces hauts personnages. » « Je savais bien qu'il les étonnerait, » s'écria Dobbs, qui était venu à pied depuis Deofam pour voir le spectacle et entendre son maître prêcher dans la cathédrale et qui s'était hardiment frayé un chemin jusque sous la chaire. « Ces sermons ne sont pas remplis de belles phrases, sans rien avoir au fond, comme ceux de tant de beaux prêcheurs. » Ce sermon et le révérend Edgar Halliburton furent l'objet de toutes les conversations du jour à Helstonleigh. Mais, avant que le jour suivant se fût écoulé, on ne parlait déjà plus que de Frank Halliburton. Une cause assez importante avait été déposée par M. Glenn devant la cour. M. Glenn, qui avait aimé Frank depuis la conversation que nous avons rapportée et qui avait la plus haute opinion de ses talents, lui avait confié son procès. Il ne fut pas déçu. Frank plaida admirablement et son éloquence emporta d'assaut les auditeurs. Sa plaidoirie tourna de son côté M. Gordon et les jurés et Frank gagna triomphalement sa cause. « Je te disais bien que je réussirais, mère, » disait le même soir, lorsqu'il fut revenu à Deofam, après avoir été presque étouffé par les félicitations. « Tu vivras assez pour me voir entrer à la chambre des lords. » Jane se mit à rire à cette plaisanterie souvent répétée. Elle était seule ce soir-là. Gare était avec le grand shérif et un dîner d'apparat. « Est-ce qu'une place inférieure ne pourrait te satisfaire, Frank ? » demanda-t-elle. « Si tu étais avocat général, par exemple. » « Oui, comme premier échelon. Et tu t'en tirerais bien ?» demanda-t-elle sérieusement, parfaitement. « L'affaire d'aujourd'hui va bien servir à mon but, ou je me trompe fort. J'ai eu de nouveaux procès sur les bras en me rasseyant. » ajouta-t-il en riant. « Tu verras si cette année je ne me fais pas 25 000 francs. Et tu penseras ensuite à te marier ?» Le hardi avocat rougit. « Quelle idée, mère !»« Frank, je lis la vérité sur ta figure. Dis-moi avec qui ?»« Pour le moment, avec personne. » Je dois patienter jusqu'à ce que mon éloquence comme on l'a dit à la cour aujourd'hui, soit un fait reconnu par le public. Alors, je parlerai. Elle m'attendra. « Dis-moi, Frank, répéta Jane, qui est-ce, elle ?»« Maria Carlyle. » Jane le regarda d'un air de doute. « Pas la fille de Sir William, sa seconde fille. » « N'est-ce pas un peu trop d'ambition pour Frank Haliburton ?»« Maria ne le pense pas. J'ai été ambitieux toute ma vie, mère. Et aussi longtemps que je travaille honorablement, je n'y vois pas de mal. » « Non, Frank, il y a une ambition légitime. Mais comment l'as-tu connue ?»« Son frère et moi, nous sommes intimes depuis que j'étais à Oxford. Robert est dans la chancellerie, mais il n'y fait pas grand-chose. Il n'a pas la moitié du talent de son père. Son appartement est tout près du mien et je vais souvent chez lui. Les jeunes filles s'occupent beaucoup de nous. C'est comme cela que j'ai connu Maria. Alors je suppose que tu vois quelquefois le juge ?»« Oh, maman !» dit Frank en riant. Le juge et moi, nous sommes sur un pied d'intimité dans la vie privée, de vrais camarades. Tu ne le croirais pas si tu m'avais vu saluer sa seigneurie lorsqu'elle est en grande perruque. Quelquefois, je crois qu'il soupçonne... Qu'il soupçonne quoi, Frank ? Que Maria et moi, nous unirions volontiers notre cause. Mais peu importe, je suis son favori. Le dimanche avant son arrivée ici, il m'a invité à dîner. Nous sommes allés le voir à l'église. J'avais Maria sous mon aile, Sir William et Lady Carlyle trottaient devant nous. « Eh bien, Frank, je te souhaite bien du succès. Je crois que tu ne peux choisir qu'une bonne et gentille jeune fille. Attends, mère, tu verras le juge demain soir, et tu pourras te représenter Maria. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Quel âge a-t-elle, Frank ? 22 ans. Il n'a pas toujours été le grand juge Carlyle, il le sait bien. Il sait bien aussi que chacun doit commencer par un bout. Il n'avait pas non plus de fortune en se mariant, et il a vécu bien des années sans en avoir. Il ne craint pas de le dire. Il en parle souvent à Robert et à moi comme une allusion, je pense, à ce qu'on peut faire avec de la persévérance. Sir William te plaira, mère. Jane devait rencontrer Sir William le lendemain, car il y avait le soir grande fête au château de Deauxfam en l'honneur des juges.